Le 9 août, le général d'armée Kim Dak-yum, commandant des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, a déclaré qu'un avertissement sévère sera adressé aux États-Unis par une action militaire réelle. En voici le texte intégral. Comme on l'a déjà proclamé, les forces stratégiques de l'armée populaire de Corée sont en train d'examiner au sérieux un projet de lancement d'encerclement de l'île de Guam par le lancement simultané des 4 fusées balistiques stratégiques de moyenne et longue portée de type Hwasong-12 pour maîtriser les importantes bases militaires à l'île de Guam et faire un signal d'avertissement sérieux aux États-Unis. Hier, à travers la déclaration du porte-parole des forces stratégiques, nous avons averti suffisamment les États-Unis qui rehaussent au maximum le degré de sanctions tous azimuts et de menaces militaires contre notre République. Malgré tout cela, le commandant de l'armée américaine, qui était dans un terrain de golf, a dévoilé de nouveau sa volonté dépourvue de bon sens, telle que flamme et colère, ce qui suscite fort nos artilleurs façon énervés. Alors, il n'a pas encore traduit comme il faut notre déclaration. En effet, le dialogue normal n'est pas de mise avec celui dépourvu de conscience raisonnable et il faut donc le dresser par la force absolue. Voilà le jugement des militaires des forces stratégiques. Notre future mesure d'action militaire sera un moyen efficace pour retenir les démarches fanatiques des États-Unis dans la péninsule coréenne et à ses alentours. À travers le lancement d'encerclement sur la base d'agression des impérialistes américains, nos artilleurs façon sont déterminés à démontrer sans réserve dans le monde de nouveau la puissance épouvantable des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, renforcées comme force nucléaire digne de confiance du Parti du Travail de Corée et armée de frappe superpuissante du monde. Les forces stratégiques sont aussi en train d'examiner un projet de rendre public les historiques lancements d'encerclement de l'île de Guam. Cette mesure particulière vise à insuffler de la certitude en la victoire et du courage à notre peuple et à faire savoir correctement la position lamentable des impérialistes américains. Nos fusées balistiques stratégiques de moyenne et longue portée de type Hwasong-12 passeront au-dessus des départements de Shimane, Hiroshima et Gochi du Japon et prendront le vol de la portée de 3356,7 km pendant 1065 secondes pour tomber dans les eaux de 30 à 40 km aux alentours de l'île de Guam. Les forces stratégiques de l'armée populaire de Corée accompliront le projet de lancement d'encerclement jusqu'à la mi-août pour en faire rapport au commandant général des forces nucléaires de notre République et attendront son ordre à la posture d'attente de tir. Nous observons toujours les paroles des États-Unis.